Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la crise du saumon et le raid de Restigouche en juin 81. Ils sont venus dans le village, ils ont bousculé les gens, ils ont menotté ceux qui pêchaient, ils ont détruit les filets, ils ont battu des personnes, ils ont appelé nos femmes des bâtards, des putains, ils ont pissé devant les gens, devant les enfants. La cinéaste Alanis Obonsawin, qui a réalisé un film sur les événements de Restigouche, ne mâche pas ses mots quand elle décrit l'intervention policière menée à Restigouche en juin 1981. Le raid de Restigouche sera de fait un point tournant sur la question de la pêche au saumon par les Autochtones. Est-ce que vous regrettez le raid du 11 juin et surtout peut-être l'invasion dans la réserve? Oui. Si c'était à refaire? Oui, ça, forcément, oui. Très simplement. Écoutez, il faut tout de même pas être injuste, c'est que il y a encore d'ailleurs des rumeurs, plus que des rumeurs, en fait, moi je vous traduis là, de deuxième main ce que j'en sais, puisque c'est plutôt des constatations policières, mais enfin que ce soit des armes ou des espèces d'attitudes qui pourraient pousser à la violence rapide. Alors devant ça, il y avait un choix. Ça, je dois avouer que ce choix-là, si c'était à refaire, on y repenserait probablement, mais il y avait un choix qui était d'envoyer assez de gens pour écraser la violence en partant, autrement dit qu'il y a assez de gens pour que ça impressionne et que il n'y a pas de... Autrement dit, que personne n'ait la tentation de, si vous voulez, de réagir, comme c'est déjà arrivé quand ils sont allés très peu nombreux il y a 3 ou 4 ans. Ils se sont fait sortir sur la tête, ils se sont fait un peu passer à tabac. Alors évidemment, ils n'ont pas le goût de recommencer. Cela étant dit, il y a eu quand même, ça joue des deux côtés, cette fois-là, il y a eu quelques incidents désagréables. Et si c'était à refaire, ben, on y repasserait beaucoup. Monsieur le ministre, pour les touristes, vous voulez garder nos saumons pour vos amis américains. Si vous souhaitez nous faire sauter, demandez donc une bombe à neutrons au grand patron Mr. Reagan. Oh, oh, sur la chanson Escarmouche à Restigouche, chantée par Edith Butler, un texte de Luc Plamondon, vous entendiez René Lévesque au micro de Marie-Hélène Poirier à l'émission L'événement du 12 juillet 1981. Pour nous raconter les événements de Restigouche de juin 81, mon invité est Serge Bouchard, auteur, anthropologue, animateur de l'émission C'est fou à notre radio. Serge Bouchard, bonjour. Bonjour. Quelle importance a cette crise, Serge? On verra comment ça se déroulera très concrètement, cette crise de juin 81, dans un instant, mais plus largement. La crise de Restigouche dans nos relations avec les Autochtones, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est un point tournant. C'est certain qu'on est à une époque, faut se souvenir de l'époque. Il y a beaucoup de tensions, il y a un réveil parmi les Premières Nations, il y a beaucoup de revendications. Toutes les années 70 ont été en revendication. On commence à avoir des jugements de Cour suprême qui sont en faveur des droits des Premières Nations. Mais en 1980, on est sous le gouvernement de René Lévesque, mais on est à une époque où il n'y a pas encore une reconnaissance explicite, oui, des droits autochtones, et notamment dans le domaine de la chasse et de la pêche de subsistance. On n'a pas fait à ce moment-là tous les liens. Et on est dans le réveil. On peut dire que c'est... Peut-être si on avait à l'enseigner dans l'histoire, dans un manuel d'histoire, on dirait, bon, voici un point tournant, oui, des revendications, de la prise de conscience, des gestes posés de part et d'autre, oui, dans l'incompréhension, mais surtout du côté du gouvernement, qui ne sait pas dans quoi il s'embarque, et ni la police d'ailleurs. Oui. Et on le voit clairement dans le commentaire de René Lévesque, c'est tellement parlant. Il dit naïvement, mais on sait qu'il y avait des armes, oui, puis il y a une culture. Mais dans toutes les réserves indiennes, il y a des armes. Oui. Tout le monde a des armes, ce sont des chasseurs. Il y a des armes qui sont... Alors c'était très dangereux comme situation, d'envoyer une force comme celle-là. Oui. Et donc, oui, mais c'est un point tournant. Un nouveau rapport de force, au fond, dont que réalisent les Autochtones. Les Autochtones se disent, il y a quelque chose qui s'est passé, et le gouvernement va réaliser aussi que les règles viennent de changer, là. Tout le monde. D'abord, les Mi'kmaqs savent qu'ils pourraient reprendre contrôle de reprendre accès au saumon, oui, avoir un accès normal avec des quotas de saumon, ils pourraient pêcher. Du côté du gouvernement, bien, on se rend compte qu'on ne peut plus agir unilatéralement. Puis il y a un rapport de force, on ne peut plus forcer. Et il y a deux grands inconnus là-dedans. Mais le premier, bien sûr, c'est la première fois qu'on a une couverture aussi spectaculaire et internationale des caméras, des journalistes. Tout le monde est là. Alors ça met une pression sur n'importe quel gouvernement à travers le monde. Et de l'autre, il y a un côté caché qui dans les cas de toute crise de ce type, il y avait une activité illicite de saumon du côté des Micmacs qui n'a jamais été révélée, évidemment, mais c'était l'affaire policière dont parle René Lévesque. Ouais. Il aurait pu être plus explicite puis dire il y avait une partie de la population qui était criminelle. Pas une partie, mais il y avait des criminels là-dedans, puis on allait chercher les criminels. Mais c'était pas ça du tout. Là, c'est un investissement du village au complet, c'est la communauté au complet qui est interpellée. Et même s'il y a des pommes pourries dans le panier, il reste que la revendication, puis on va y venir dans les minutes qui viennent, elle est légitime. Elle était plus que légitime. Voilà. C'est un grand retour de la justice. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, très concrètement, à Restigouche en juin 81? On entendait au tout début de l'émission la cinéaste Alanis Obonsawin en parler. On écoute tiré de son film, du documentaire qu'elle va faire sur ces événements. Voici le témoignage de deux pêcheurs autochtones qui nous racontent un peu comment ça se passe, très concrètement, à ce moment-là, pour eux, en 81, à Restigouche. Ces gardes-chasse patrouillant partout sur la rivière. Ils ne respectaient rien. Ils méprisaient tout. Ils profitaient de tout. Qu'est-il arrivé à votre filet? Oh, complètement détruit. Deux bateaux sont passés à travers. Et vous savez, le filet de mon ami a été confisqué. Ils l'ont pris dans son bateau. J'ai couru droit à la rivière et je suis resté dans l'eau jusqu'à ce qu'un des hélicoptères vienne vers moi. Et alors je me suis dit, j'abandonne immédiatement. Un policier m'a grippé aux cheveux et m'a traîné en haut de la côte, puis ils m'ont jeté à terre et m'ont piétiné. Ils m'ont mis les menottes et m'ont relevé en me prenant par les cheveux. Une fois arrivé à la fourgonnette, ils se sont arrêtés. Et un des gars qui était de l'autre côté m'a attrapé de nouveau par les cheveux et m'a frappé au visage. Alors, qu'est-ce qui se passe à Restigouche en juin 81, Serge Bouchard? Comment ça se déroule, cette opération policière qu'on va appeler le raid de Restigouche? Bien, c'est-à-dire, c'est l'escouade anti-émeute. Alors, c'est pas des gens gentils, c'est des gens entraînés. Puis c'est pas des gens de la place, hein. C'est des gens qui viennent de Québec et puis de Montréal. Puis c'est des gens qui sont pas au courant de... Ils savent pas dans quel milieu ils interviennent. Ils interviennent parce qu'on leur a dit il y a un paquet d'illégaux sauvages qui pêchent le saumon et qui sont en train de détruire la ressource. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on leur a dit. Je sais pas trop quel a été le briefing. Mais ils interviennent en force. Ils sont 400-500 à peu près. Oui, presque 500. Et ils interviennent en force et il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de négociation. Donc, vous avez tous ces épisodes de personnes qui se font agresser, de terreur. En fait, on veut terroriser. On le veut parce que on soupçonne que les Micmacs pourraient réagir avec violence, qu'ils sont armés, des choses comme ça. Toute chose fausse par ailleurs, hein, parce que sur le terrain, il n'y avait pas cette violence-là. Pas du tout, pas du tout. Il y avait deux sortes de policiers sur le terrain. Il y avait les policiers patrouilleurs de la Sûreté du Québec normaux de Matapédia, qui avaient des relations tout à fait normales avec les Micmacs. Qui connaissaient cette population. Qui connaissaient, puis même il y en avait que leur blonde était Micmac, puis elle... Et puis, il y avait cette escouade qui arrive d'en haut. Donc, c'est le choc d'en haut. C'est le gouvernement, c'est le ministre, c'est la police du ministre, c'est la police du gouvernement qui intervient dans une réalité que personne ne comprend vraiment. Donc, beaucoup de violence. Politiquement, une occupation, là. On occupe le territoire. On occupe le contrôle. Visuellement, c'est catastrophique. À le voir, à le vivre aussi, parce que c'est une force arbitraire, c'est une force brute. Je suis encore surpris aujourd'hui qu'il n'y a pas... Mais c'est comme pour Oka, là, parce que c'était une répétition générale de la crise d'Oka, c'est-à-dire les médias... Un problème de fond qui est mal compris par tout le monde, une intervention de force et un potentiel de catastrophe. Oui. Et heureusement, il n'y a pas eu de mort. Oui. Mais il y a eu beaucoup de scandaleuses intimidations. Oui. Une population. Ils sont 150 à peu près, les Micmacs. Et puis 500 hommes, près de 500 hommes là, qui arrivent mais en force. La communauté est, non, la communauté est beaucoup plus importante, mais les pêcheurs, c'est à peu près. Pourquoi le gouvernement du Québec décide, pourquoi le gouvernement l'évêque de l'époque décide d'intervenir de cette manière-là, avec une telle fermeté? On écoute le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche de l'époque, Lucien Lessard. Il répond aux questions des journalistes là, au moment des événements, suivi de l'anthropologue Rémi Savard, qui assistait, qui est observateur à l'époque aussi sur le terrain de ce qui se passait. Rémi Savard qui en parle à l'émission Présent en juin 1981. Alors, il est certain que je devrais prendre les mesures pour maintenir l'espèce saumon dans la rivière Restigouche, comme ailleurs, comme je l'ai fait pour Apabos, par exemple, pour les Blancs la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qui arrivera dans les prochains jours, je ne sais pas. Maintenant, je souhaiterais... Non, il refuse la juridiction du Québec. Ils veulent négocier avec le fédéral. C'est vrai que le saumon est une espèce menacée. Mais il faut savoir, il faut dire, que les Indiens de Restigouche pêchent sur une toute petite portion délimitée dans l'estuaire de la Restigouche et une portion qui ne franchit pas les deux rives, puisque la frontière Québec-Nouveau-Brunswick passe au milieu de l'estuaire. Alors c'est une des frontières du petit espace sur lequel les Indiens de Restigouche pêchent. Or, en face du village de Restigouche, les Indiens voient constamment, à tous les jours, des grosses corporations pratiquer légalement au Nouveau-Brunswick la pêche commerciale. Parce que c'est permis au Nouveau-Brunswick. C'est permis au Nouveau-Brunswick. Et comme me disent les Indiens, les saumons ne reconnaissent pas beaucoup la frontière interprovinciale. Donc, c'est leur saumon. En amont du pont, vous avez, et là, au Québec, toute une série de clubs privés où des personnalités aussi prestigieuses que Frank Sinatra, au moment où j'étais là, venaient taquiner le saumon. Et évidemment, c'est exclu pour les Indiens de Restigouche. Donc, la question de l'incidence de la pêche des Indiens de Restigouche sur la réelle menace au saumon de l'Atlantique, à mon avis, est un faux prétexte. Et on s'est servi de ce prétexte parce qu'on sait que dans l'opinion publique québécoise, et surtout face au puissant lobby de l'industrie des pourvoyeurs, de la chasse et de la pêche, on est très sensible à cette question-là. Comment on en arrive, Serge Bouchard, à cette crise de Restigouche? Ce qu'on vient d'entendre, ça nous amène à nous demander c'est quoi le problème de fond avec la pêche au saumon par les Autochtones? Mais on s'approche du cœur du problème en écoutant Rémi Savard. Ouais. Alors, Rémi Savard nous donne à peu près tous les paramètres de ce qui va créer cette crise en 1980. Alors, voyez la séquence. Le saumon, c'est un poisson compliqué parce que c'est un poisson international. Les poissons internationaux au Canada sont... Les animaux internationaux au Canada sont compliqués parce que les animaux qui voyagent sont généralement fédéraux. Ils se rapportent à Ottawa. Mais les animaux qui restent sur le territoire des provinces sont provinciaux. C'est compliqué, là. Vous le voyez, le saumon, il se promène un peu partout. Ouais. Mais le fond du problème, c'est l'injustice historique. Le fait que les provinces, dont le Québec, et en particulier le Québec, mais dans l'ancien Québec, et tout juste avant la Confédération, en 1858, 9 ans avant la Confédération, l'acte des pêcheries établit une fois pour toutes que le saumon, on va parler juste de lui, oui. Là, le saumon, il va être concédé au club privé, tout simplement. C'est un poisson seigneur. Quand il est en mer, c'est un peu indifférent, puis il peut avoir une zone commerciale. Mais quand il rentre dans les rivières, c'est le seigneur des poissons qui ne sera pêché que par les seigneurs. Les seigneurs, c'est l'élite de la société. Mmh. L'élite de la société, ce sont les Américains, les Canadiens anglais et les Canadiens français fortunés ou politiciens, etc. Toutes les rivières à saumon seront clubées. Je vais le dire comme ça, là, clubé. C'est-à-dire réservé à ces messieurs. Le terme, d'ailleurs, existe dans la culture populaire des différentes Premières Nations, les messieurs. Ouais. Les messieurs arrivent, puis ils vont pêcher à la mouche. Alors, il n'est pas question de filet, il n'est pas question de harpon, il n'est pas question de le manger, c'est-à-dire peut-être le manger, mais il n'est pas question d'assurer la survie de la famille, etc. Or, des gens comme les Micmacs, des gens comme les Innus, mais les Micmacs, en l'occurrence, les Stigouches, ils avaient trouvé ces endroits, ils se réunissaient l'été pendant des mois et des mois et des mois, des endroits où ils avaient accès à des ressources. La ressource la plus importante étant le saumon. Donc, depuis des millénaires, ces gens-là se réunissaient à un endroit pour avoir accès facilement à de la nourriture pour les familles, pour manger. À partir de 1858, ils sont devenus des braconniers. Voilà. Parce qu'on cède les droits, au fond, de pêche à ces riches pêcheurs. On décrète unilatéralement que la pêche ne sera que sportive. Mmh. Avec la culture de l'élite, la façon de pêcher le saumon dans les fosses à saumon. Alors, toutes les populations qui vivaient du saumon, puis ça inclut des populations de pêcheurs, hein, non Micmac, qui vivaient, qui mangeaient le saumon, etc., deviennent des braconniers. Donc, on est en exil sur sa propre rivière. Mmh. C'est extrêmement frustrant. C'est quand même surprenant qu'ils aient enduré pendant 120 ans cette frustration, c'est-à-dire d'avoir leur petit bout de rivière de rien du tout, tandis que Rémi Savard le mentionne bien, on fait de la pêche commerciale du côté du Nouveau-Brunswick et du côté du Québec, c'est réservé à l'élite américaine, une des plus belles rivières à saumon en Amérique du Nord, de saumon atlantique en Amérique du Nord. C'était une situation catastrophique qui devait exploser un jour ou l'autre, les Mi'kmaq n'étant pas les seuls. Les Innus étant dans la même situation, évidemment, et ça va éclater du côté des Innus aussi, comme conséquence. Vous en parliez au début de l'émission, cette affaire-là va avoir un écho très, très important dans les médias, même les médias du monde entier en parleront. Ça aura évidemment un impact, ça va frapper également l'opinion publique québécoise, cette affaire-là. Les gens s'intéressent à ça, on leur en parle. Et puis, la façon dont le gouvernement du Québec gère cette crise-là, on écoute sur cette gestion de la crise par le gouvernement, puis on reparlera de l'opinion publique, puis de la couverture médiatique dans un instant. Serge Bouchard, on écoute la cinéaste Alanis Abonsawin qui parle au journaliste Richard Vigneault de cette gestion par le gouvernement du Québec de l'époque de cette crise. Extrait de l'émission Présent en février 1982. Je trouve tellement épouvantable que M. Lévesque, caché derrière M. Lessard, ait fait ce geste. Il y a eu une conférence entre lui et le chef. Et le chef, il a dit que depuis toujours, que les Mi'kmaq se considéraient comme une nation. Et que puisque les Canadiens-Français cherchaient à avoir une souveraineté, qu'ils devraient comprendre que l'Indien, lui aussi, il a besoin de sa souveraineté et qu'il existe. Et Lessard a eu le culot de dire ça sur leur plancher. Il a dit, pour avoir une souveraineté, il faut avoir sa langue, sa culture et sa terre. Il a le culot de dire ça chez eux, en voulant dire, vous autres, vous n'avez ni votre langue, ni votre terre, ni de culture. Est-ce que vous considérez que ça, c'était des incidents racistes? Oui. M. Lessard a des préjugés énormes contre les Indiens. On le sait depuis très longtemps. Puis quand on lui a demandé à lui, qu'est-ce que vous pensez que d'un policier qui tirait un Indien par les cheveux en chambre, il a dit, oh ben ça leur fait pas mal quand ils sont debout, ils sont habitués, ça leur fait rien. Vous auriez dû le voir, la Restigouche. Comment ça va être perçu, Serge Bouchard? C'est fort, quand même, la réaction de Alanis Abonsawin. Comment ça va être perçu, ce qui se passe à Restigouche, la gestion de cette crise par le gouvernement Lévesque? Comment ça va être perçu par l'opinion publique? Comment ça va être traduit dans les médias québécois de l'époque? Ben, c'est sûr que ce sont des commentaires à l'extrême, ce sont des commentaires très émotifs, c'est pas à l'avantage de M. Lessard que d'entendre, mais ça traduit une immense ignorance qu'il y avait à l'époque, et peut-être sans parler de M. Lessard en particulier. Les chroniqueurs de chasse et pêche, à cette époque, il faut s'en rappeler, les chroniqueurs de chasse et pêche dans les journaux avaient beaucoup d'influence. Les chroniqueurs sportifs, alors, la chasse à l'orignal, la pêche à la truite, la pêche au saumon. Puis il y avait M. Bellemare à Québec, il y avait une collusion anti-indien, c'en était épeurant. Parce que en fond de toile, quand tout le monde nage dans l'ignorance, bon, le premier truc à dire, c'est de faire peur au monde. Qu'est-ce qu'on a dit? Le saumon, même Rémi Savard l'a repris, le saumon est en danger. Ouais. Le saumon est encore là, là. Il n'était pas en danger, le saumon. Il est en danger, il n'est pas en danger. Je ne sais pas comment ce qu'il est, le saumon, s'il est si fragile, mais peu importe, il y a du saumon. On disait qu'il était en danger, mais on disait surtout, c'était commode de dire que le saumon était en danger, puisqu'on disait que les Indiens étaient dangereux. Pour la faune, je défends le saumon. Ouais. Alors on disait, s'ils pêchent le saumon, les Indiens, mais c'est épouvantable, il n'y aurait plus de saumon. On disait la même chose du caribou à la même époque. S'ils chassent le caribou, les Indiens, c'est fini pour le caribou. Mmh. Autrement dit, les Indiens sont des prédateurs, sont des braconniers, ils vont détruire la nature. C'est quand même incroyable d'avoir fait ce retour de situation. Et Alanis Abonsawin a raison de souligner qu'à l'époque, il était difficile de mettre dans la tête des gens, de faire l'éducation des ministres pour leur expliquer que les Micmac avait un pays jadis qui s'appelait le Mi'kmaqué, qui allait de Halifax jusqu'à Gaspègue, et que c'est une nation, un peuple, une langue reliée à la grande famille des Algonquiens. C'est quand même particulier là, qu'on d'avoir leur à avait le redire. Enlevé, en fait, en modifiant les règles du jeu, on vient à la gestion des rivières à saumon. C'est ça le fond du problème. C'est que, et une espèce d'hypocrisie où on dit, à ce moment-là, au début des années 80, les Autochtones, vous n'avez pas le droit de pêcher ce saumon-là parce que la loi est la même pour tout le monde et on ne peut pas faire de pêche pour. Puis là, on leur disait, prenez votre carte de membre dans les clubs privés, allez pêcher à la mouche. C'était loin quand même. Mais oui, mais c'est quand même représentatif de l'état d'esprit à ce moment-là. Malgré la convention de la baie James, on ne reconnaissait pas les nations, on ne reconnaissait pas la chasse et la pêche de subsistance. Ouais. Et ça a déclenché quand même ce mouvement. Une prise de conscience partout, de se rendre compte qu'on nageait dans l'ignorance et dans la maladresse et que ça allait nous conduire dans le mur. Et ça va être un tournant parce que il se passe quelque chose. C'est le début d'un mouvement qui s'enclenche dans les communautés autochtones. Ben, les autres, les Innus notamment, c'est les Innus qui sont le plus frappés parce que eux, ils ont toutes les rivières des Innus sont des grandes rivières à saumon. Et, sur la côte nord. Ouais. Alors, la rivière Mingan, la rivière Natashquan, les différentes rivières, des Escoumins jusqu'à Saint-Augustin, jusqu'à Blanc-Sablon. Alors, ils vont, eux aussi, se lever, faire des barricades. La police va y aller. Ça, il va y avoir un suivi, vous savez. La Commission des lois de la personne va embarquer là-dedans. On va suivre tout ça. Mais résultat des courses, croyez-le ou non, les Premières Nations en général, les Innus comme les Mi'kmaq, vont retrouver leur droit d'accès au saumon, à la gestion du saumon. Et aujourd'hui, vous avez le bout de l'extrême du paradoxe. Vous avez comme à Ekwanishit-Mingan le contrôle de la rivière à saumon et c'est devenu une pourvoirie accès aux Blancs. Où n'importe qui peut y aller, c'est populaire, c'est pour tout le monde. Mais contrôlé par les Innus. Par les Innus. Ce qui va donc vraiment un virage avec évidemment vous en avez parlé, mais des jugements courts, la Resquamish, la Constitution de 82 qui va permettre aux Amérindiens de. C'est-à-dire qu'on va donner un contenu aux droits des Amérindiens à travers les droits, les fameux droits de chasse et pêche qui sont depuis toujours le symbole de la contestation parce que les traités dans l'Ouest, les ententes dans l'Est, c'est toujours de dire, vous les Indiens, vous m'en réservez, mais vous allez pouvoir continuer à chasser et à pêcher. C'était faux. On leur a menti. On leur a enlevé ce droit-là. Ouais. Maintenant, la situation est rétablie. Serge Bouchard, auteur, anthropologue, animateur de C'est fou à notre radio. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Serge. Merci beaucoup. J'étais heureux d'être avec vous. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Réjeanne Leblanc. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.